ثم قال قال تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وصص ولا يدي Ils nous ont rendu détestables la mécréance, la perversion et la désobéissance. فَذِكْرُ الْفُسُوقُ وَالْفَاسِقُونَ أَفْوَنْ وَذُكِرَ الْفُسُوقُ وَالْفَاسِقُونَ مَرَّةً عَدِيدًا فِي الْقُرْآنِ وَالسُنَّةِ فَمَا هُوَ الْفُسُوقُ وَمَا تَعْرِيفُهُ وَكَيْفَ يَحْذَرُ الْمُسْلِمُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ Il a dit dans le Coran plusieurs fois, il était évoqué la perversion ainsi que les pervers. C'est de la sunna. Donc qu'est-ce que la perversion? Quelle est sa définition? Et comment le musulman doit-il prendre garde à ne pas devenir un peuple pervers? Al-Jawab, la réponse est dit Qalu ta'ala wa karraha ilaykumul kufra wal fusuq wal 'isyan, que Allah vous a fait détester la mécréance, la perversion et la désobéissance. Surat al-Hujurat, les appartements, verset 7. Zakara subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayati al-karimati anwa' al-ma'asiya thalatha. Dans ce verset, Allah a cité trois formes de désobéissance. Al-ma'asi allati tukhriju min al-millah. Les obéissances qui font sortir de la communauté. Qu'al kufru wa shirk billah. Comme, par exemple, la mécréance, ainsi que le shirk. Voyez, ça c'est un. Qala wal-ma'asi al-kaba'ir allati yadun al-shirk wa al-kufr. Les désobéissances qui sont, elles, parmi les grands péchés, qui sont moindres que le shirk et le kufr. Fala tukhriju min al-millah. Qui ne t'excommunent pas de la communauté. وَلَكِنَّهَا تَنْكُسُوا الْإِيمَانِ نُقْصَانِ ظَاهِرًا كَالزِّنَا وَالسَّارِقَةِ وَشُبُ الْخَمْرِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْكَبَائِرِ أَلْيَسْتَعْ مَثَلًا Ce sont des choses qui te, comme on a expliqué, ne te rendent pas mécréant, mais réduisent ta foi. Ta foi, elle en prend un coup, elle diminue. Comme par exemple, la fornication, le vol, le fait de boire de l'alcool, et autres, parmi les grands péchés. وَسُمِيَتْ فُسُوقًا وَصَحِبُوا فَاسِقًا لِيَنَّ الْفِسْقِ مَعْنَاهُ وَالْخُرُوجَ عَنِ طَاعَةِ اللَّهِ Donc, ce genre d'action ont été nommées comme perversion. Et celui qui commet ces actions-là est nommé comme étant un fasiq, donc un pervers. Car le sens de cela, c'est que cela te fait sortir de l'obéissance d'Allah, Azza wa Jal. والفسق à la qismain, comme vous le savez. Celui qui est du kufr, et celui qui ne l'est pas. Et là, il parle de celui qui ne l'est pas. Amal Fisq al-Akbar, lui, te sort de la communauté. Comme celui de Iblis. Comme a dit Ta'ala, فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ Il s'est perverti face à l'ordre de son Seigneur. Donc Iblis est devenu kafir. قَالَ وَذَكَرَ الْمَعَاصِيَ الَّتِي يَدُونَ الْكَبَائِرِ وَلَا تَقْتَدِي الْفِسْقِ وَيَسْغَائِرِ الذُّنُوبِ Maintenant, après, il cite également dans le verset les obéissances qui sont, elles, parmi les petits péchés. Qui ne sont pas comptés comme étant de la perversion. فَعَبَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّهُ كَرَّهَ هَذِي الْأَنْوَاعَ ثَلَاثَةَ إِلَى أَهْلِ الْإِيمَانِ وَحَبَّبَ إِلَيْهِمْ أَنْوَاعَ الطَّاعَةِ وَالْقُرَبَاتِ Donc dans le verset, Allah, il y a la forme qu'il a fait détester cela, les trois formes aux croyants. Il n'aime ni les ma'asis qui sont du kufr, ni ceux qui sont de la perversion, ni ceux qui sont des petits péchés. Donc en réalité, celui qui a un iman qui est kawi, que ce soit grand ou petit péché, il ne différencie pas entre les deux, il ne le fait pas. Il ne le fait pas.